fête les cieux. Les cormorants pleurent sous le vieux chêne. Près de ce qu'ils marchent, pas lourds et mesurés. Dans l'ombre dense, sous le silence et roi. Les eaux sombres flètent les cieux, les cormorants pleurent sous le vieux chêne. Près des skills marchent pas lourds et mesurés. Dans l'ombre dense, sous le silence et roi, le souffle du bayou caresse la peau. Une prière s'élève, l'âme en flambeau. Elle tisse la confiance. Les prières s'envolent vers l'infini. Dans chaque cœur un feu béni. Sur Twitch, la communauté s'élève. Dans chaque drop, une étincelle se relève. Le gospel s'étend, éclaire. Cette lutte, la foi conduit. Shadows rise, but we stand strong. Riders keep, we sing our song. Drops like rain, wash away the pain. Together bound, we break the chain. Riders qu'ils marchent fiers et battants. Chaque drop une arme dans la nuit. Chaque victoire éclaire l'oubli. Sur Twitch la foule est une mer. Une vague de force, une lumière claire. Les battements résonnent, cœur et âme. Dans la bataille, on réclame. On reconstruit brique par brique. Dans la nuit la voix est magique. L'espoir grandit, s'écrit en chant. Dans ce combat, on est géant. Riders qu'ils portent la flamme. La foi jamais ne faiblit. Chaque drop est un cadeau, un signe. Pour garder la foi, suivre la ligne. Un vent nouveau souffle dans la nuit. Le cri de la liberté s'enfuit. Riders qu'il guide ma ferme éclair. Dans cette lutte sans lumière, le sol tremble sous nos pas lourds. Sur Twitch, la guerre ne fait pas de détour. Chaque drop est une bataille gagnée. Dans le bayou, on ne peut reculer. Les voix s'entrelacent, fortes et fières. Dans chaque note, un appel à la terre. Riders qu'il avance, cœur de lion. Dans ce monde, il est le bastion. La nuit s'efface, la lumière baisse. Les prières montent, aucune ne cesse. Sur Twitch, l'espoir. Chaque drop un pas vers la chute. Le gospel résonne, puissant et clair dans chaque voix. Souffle d'air, la foi unie, jamais. l'ombre tombe, la clarté naît. Raiders qu'ils chantent, la nuit s'en va, la bataille est dure, la foi est grande, dans chaque cœur une flamme ardente. Dans la rue le combat fait rage, Raiders qu'il écrit une autre page. Chaque drop est une victoire, un cri qui résonne dans le noir. Sur Twitch la foule s'élève, oh, dans chaque note un éclat nouveau. Le son unit, la force grandit, dans ce monde l'espoir surgit. Shadows rise. Raiders qu'il s'en va, la bataille veille. Sur Twitch, les drops tombent encore. Dans ce monde, il écrit l'aurore.